En France, une personne sur 20 qui est admise à l'hôpital est contaminée par une bactérie et contracte une maladie qu'elle n'avait pas avant son admission. Ce fléau, ce sont les infections nosocomiales qui seraient responsables de quelques 4000 décès par an. Si le nombre d'infections n'a cessé de décroître jusqu'au début des années 2010, il stagne et ne descend plus sous ce taux de 5% des patients hospitalisés. Il faut ajouter à cela que de plus en plus de bactéries, et surtout en milieu hospitalier, deviennent résistantes aux antibiotiques, ce qui peut rendre une petite infection bénigne bien plus grave qu'elle ne l'était initialement. Infection nosocomiale, le loup dans la bergerie, c'est le programme hospitalier qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer bien cette problématique qui concerne tous les établissements de santé, hein, d'ailleurs pas uniquement le milieu hospitalier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Claude Crémieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, spécialiste de l'antibiorésistance. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Loire-Océan à Nantes avec Didier Lepelletier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de bactériologie hygiène hospitalière du CHU de Nantes, vice-président de la commission spécialisée système de santé et sécurité des patients au ministère de la Santé et présidente du conseil scientifique de la Société française d'hygiène hospitalière. Mais avant de passer les portes de l'hôpital, on fait un tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature. Pour la première fois, on vient d'analyser de la glace polaire vieille de 2 millions d'années. Un échantillon de glace de 2 millions d'années, ça signifie avoir un accès direct à l'air de l'époque emprisonné dans les glaces. C'est la première fois qu'on arrive à étudier de façon si directe la concentration de dioxyde de carbone et de méthane et avoir des informations sur la température de l'atmosphère avant 800 000 ans, date de l'échantillon de glace le plus ancien. Alors, on sait que le climat varie avec des cycles glaciaires et interglaciaires. Sur les 3 derniers millions d'années, ces cycles ont une périodicité de 100 000 ans. Mais avant, la périodicité de ces cycles était de 40 000 ans. Cette période de transition, appelée transition mi-pléistocène, est encore mal comprise. Ici, l'analyse de cette glace bleue extraite en Antarctique surprend les paléoclimatologues, car les résultats contredisent quelques hypothèses. Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Ces concentrations de dioxyde de carbone, elles sont pendant les périodes interglaciaires similaires à ce qu'on a déjà vu sur les 800 000 dernières années. Par contre, ces concentrations sont beaucoup plus élevées pendant les périodes glaciaires. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on pensait que la transition, il y a à peu près 1 million d'années, entre des cycles à 40 000 ans vers des cycles à 100 000 ans, était due à un déclin de la concentration moyenne du dioxyde de carbone. Et en fait, c'est plutôt un déclin pendant les périodes glaciaires. Donc ça remet un peu en cause les mécanismes auxquels on pensait pour expliquer la transition de ce qu'on appelle un monde à 40 000 ans vers un monde à 100 000 ans. Alors en fait, on cherche à comprendre les mécanismes au niveau du système climatique qui rentrent en jeu pour expliquer que des périodes glaciaires interglaciaires qui étaient rythmées avec un rythme de 40 000 ans passent en fait à un rythme de 100 000 ans. Pourquoi les périodes glaciaires sont beaucoup plus longues sur le dernier million d'années par rapport à avant. Et vraiment, l'hypothèse qui était émise était vraiment celle d'un déclin du dioxyde de carbone en moyenne. Et là, on voit que finalement, il y a quelque chose au niveau des périodes glaciaires qui se joue. Et donc, il y a peut-être d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, comme par exemple la dynamique des calottes glaciaires, la dynamique de l'océan global pendant ces maxima glaciaires, qui font que ben, finalement, on a plus de mal à sortir d'une période glaciaire pour rentrer dans une période interglaciaire. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature, l'extinction des insectes est plus forte qu'on ne le pensait. Les écologistes de l'Université technique de Munich ont mené une enquête sur plus de 2700 espèces d'arthropodes. Insectes, mille pattes, araignées, dans 150 prairies et 140 forêts allemandes. Entre 2008 et 2017, en moins de 10 ans, le nombre d'insectes a chuté de 67%. La biomasse, l'abondance et la diversité des espèces, tous ces facteurs sont en chute libre. En cause, l'intensification de l'agriculture, les terres cultivées perturbent ou détruisent les habitats naturels. Les auteurs de l'étude craignent des effets en cascade catastrophiques. Deux études, l'une dans Science et la seconde dans Science Immunology, montrent que le virus de la rougeole efface la mémoire immunitaire. Dans Science Immunology, une équipe internationale a mené des analyses sanguines sur près de 80 enfants avant et après une épidémie de rougeole. Chez les enfants contaminés, après l'infection, on observe une perte massive de lymphocytes B, un type de globule blanc qui produit des anticorps spécifiques et qui les garde en mémoire. Les enfants contaminés perdent jusqu'à 72% de leur diversité en anticorps. Cette amnésie du système immunitaire expliquerait pourquoi les complications médicales après une infection sont si nombreuses. Les auteurs de ces deux études rappellent l'importance de la vaccination au virus de la rougeole. Et enfin, les physiciens du CERN viennent de réaliser la mesure la plus précise de la masse du boson de Higgs. Lors de sa première détection au CERN en 2012, sa masse était estimée entre 125 et 126 gigaélectronvolts. Ce chiffre a été affiné. Les physiciens se sont appuyés sur les observations de 2012 et sur celles de 2016, lorsque le boson de Higgs était observé en décomposition en deux photons. Selon l'équipe du CERN, le boson de Higgs a précisément une masse de 125,35 gigaélectronvolts. Mieux comprendre sa masse, c'est aussi améliorer les futures mesures des accélérateurs de particules. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Comme tous les jours, vous pouvez retrouver l'intégralité des études qui ont été citées sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi qu'évidemment sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Je vous le disais en introduction de cette émission, une personne hospitalisée sur 20 est victime d'une infection nosocomiale, c'est-à-dire d'une pathologie qui était contractée suite à l'infection d'une bactérie rencontrée à l'intérieur du milieu hospitalier. 5%, vous pourriez penser que c'est un taux assez faible, oui, mais ce taux était plus proche de 8% il y a 20 ans et il ne descend plus aujourd'hui. Et il cache une grande disparité en fonction des services, il peut monter jusqu'à 25%, une personne sur 4 en service de réanimation. Il conduit au décès de 4000 personnes chaque année. Sans parler des phénomènes de résistance bactérienne aux antibiotiques qui sont de plus en plus problématiques. Bref, les maladies nosocomiales sont un véritable casse-tête pour les établissements de santé. Ça fait plus de 40 ans que ça dure, comme en atteste cette archive tirée du journal de France Inter. Nous sommes le 6 novembre 1978, soit il y a presque exactement 41 ans. Plusieurs chambres de l'hôpital d'Arcachon ont été fermées provisoirement, 5 mois à peine après leur inauguration, à la suite d'une infection généralisée, selon les termes du chef du service de chirurgie, le docteur Espiette. La raison de cette infection est la cohabitation dans les mêmes chambres des opérés et de vieillards pour lesquels aucun local n'est réservé. Marie-France Bordoiseau a mené son enquête à Arcachon. Aujourd'hui, on se trouve en face de deux versions, pas complètement contradictoires, disons divergentes. Un fait est certain, on a fait fermer, provisoirement certes, le service de chirurgie où la cohabitation de vieillards grabataires et de malades récemment opérés avait engendré des problèmes d'infection. Le docteur Espier, responsable du service, qui a demandé la fermeture provisoire de son service, affirme maintenant qu'il s'agit d'une mesure habituelle, d'une mesure de routine. Il ne nie pas la présence de gens du quatrième âge dans son service, mais ils étaient là, paraît-il, en vue d'une opération ou parce qu'ils venaient d'être opérés. Pourtant, personne ne peut nier qu'il y a à l'hôpital d'Arcachon un problème de locaux. Dès l'inauguration, en juin dernier, les responsables de l'hôpital alertaient Mme Simone Veil. Faute de crédit, on n'avait pas pu construire les bâtiments destinés à recevoir des personnes très âgées, invalides ou impotentes. Il fallut donc bien trouver des lits pour ces quatrièmes âges que l'on répartit un peu partout dans les services au hasard des lits disponibles. Alors, problème d'infection ou infection généralisée, personne aujourd'hui ne veut se prononcer. Reste le manque de locaux, un problème qui n'est pas strictement arcachonnais. Voilà, extrait du journal de France Inter, le 6 novembre 1978. Une réaction à cette archive, Anne-Claude Crémieux. Oui, je crois que c'est très illustratif du problème des infections nosocomiales. Effectivement, vous l'avez souligné, et c'est tout à fait regrettable, ces infections ont arrêté de diminuer, et on peut y voir plusieurs explications. La première explication, c'est que l'effort qui a été fait d'abord dans les années 2000 était dirigé contre une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré, tout le monde le connaît, qui était résistant à la méticilline, dont les mesures essentielles pour lutter contre le staphylocoque, c'est la désinfection cutanée, c'est la solution hydroalcoolique. Tout ça a été fait, très bien fait, et a abouti à une diminution de ces infections à staphylocoque. Mais pourquoi ça augmente aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que effectivement, à l'hôpital, on a de plus en plus de personnes qui sont fragiles, qui sont âgées, qui ont des pathologies sous-jacentes, qui ont besoin de dispositifs comme des perfusions, comme des sondes urinaires, qui ont besoin d'être opérés parce qu'on doit leur remplacer la hanche parce qu'elles sont âgées. Et on sait très bien que à la fois ces gestes invasifs ou ces interventions chirurgicales sur un terrain fragile, c'est ça qui fait le lit de l'infection nosocomiale. Et maintenant, on peut parler d'infection extra-hospitalière, donc d'infections liées aux soins, mais extra-hospitalières, donc plus strictement nosocomiales, puisque nosocomiales, ça veut dire hôpital, parce que les mêmes personnes sont soignées à l'extérieur de l'hôpital. Mmh. Didier Le Pelletier, en réaction à cet archive, à ce que vient de dire Anne-Claude Crémieux. Oui, en fait, l'organisation en France, avec la création de comités de lutte contre les infections nosocomiales, qui ont été, par voie réglementaire, instaurés dans les hôpitaux, c'est 1988, donc c'est un petit peu plus tard par rapport aux pays anglo-saxons, et se sont attachés effectivement à commencer à mesurer ces infections pour en dégager finalement des stratégies de prévention. Et comme ça a été dit par ma collègue le professeur Crémieux, nosocomial, pour que les auditeurs comprennent bien, nosos en grec ça veut dire maladie, et nosoconium en latin ça veut dire hôpital. Donc on fait bien référence à un lieu d'acquisition, ou par des stratégies de prévention, des créations de ce qu'on appelle des EOH, des équipes opérationnelles d'hygiène, avec des médecins, des pharmaciens, des infirmiers spécialisés en surveillance et en prévention des infections, ce qui était une révolution par rapport à l'approche très thérapeutique des infections, ont permis finalement, comme vous l'avez dit, de passer de 8%, la première enquête nationale de grande envergure, qu'on appelle des enquêtes nationales de prévalence, date de 1996, on est passé de 8% à 5% sur les deux dernières de 2012 et de 2017, probablement parce que ce quota d'infection était évitable par de la formation, une meilleure compréhension de la genèse, c'est-à-dire de la physiopathologie ou des mécanismes de survenue au cours du soin d'une infection, c'est-à-dire une augmentation finalement de la sécurité infectieuse au cours des soins, et que maintenant on va aller vers un matelas, vous l'avez dit, à peu près un patient sur 20, alors avec des variations comme vous l'avez souligné en fonction de type de service, à des patients où l'infection va être un petit peu moins évitable. Il s'agira plus d'essayer de comprendre ce type d'infection, par exemple des gens qui restent en réanimation plus longtemps que prévu ou sur un certain temps, qui vont être techniqués, c'est-à-dire avec des portes d'entrée qui vont léser les muqueuses et la peau qui nous protège, que ce soit des cathétérismes vasculaires ou des cathétérismes urinaires. Et finalement, tout va être sur les enjeux de les poser dans des conditions d'asepsie et d'éviter au maximum la colonisation, mais qui est naturelle, puisque l'homme a quasiment, voire plus de bactéries sur la surface du corps que de cellules dans le corps, c'est-à-dire les eucaryotes. Voilà. Alors une question, si on élargit un peu le champ jusqu'à aller, mettons, les débuts de l'hygiénisme, c'est-à-dire le moment où on a commencé à comprendre que bien quand on se lavait les mains avant d'aller à l'opération, bien on avait évidemment moins de morts après l'opération et moins d'infections. On a l'impression que tout ce grand mouvement d'hygiène à l'hôpital depuis donc la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, bien ça va vers la réduction, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que d'un seul coup on arrive à un endroit, alors qui est relativement bas certes, de plateau, mais on va le voir, d'une légère réaugmentation. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Anne-Claude Crémieux ? Je crois qu'il, vous avez raison de le souligner, il y a eu des immenses progrès. L'hygiène, l'antibioprophylaxie, comment éviter une infection post-opératoire par toutes les précautions d'asepsie autour de l'intervention chirurgicale, la désinfection de la peau, mais aussi l'utilisation des antibiotiques qui a été révolutionnaire. On est passé de 10% à 1%. Eh bien, tout ça a fait faire des progrès. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est à un plateau pour deux raisons. Les bactéries qui sont des bactéries à l'origine des infections nosocomiales. Aujourd'hui, ce n'est plus le staphylocoque qui est prédominant, ce sont des Escherichia coli. Qu'est-ce que c'est un Escherichia coli? C'est une bactérie très banale. Bactérie intestinale. Qui donne des infections. Voilà. Absolument. On en a partout. On en a plein. 10 milliards dans le tube digestif. Ça dissémine facilement. Ça donne très facilement une infection urinaire dès qu'on pose une sonde pour pouvoir évacuer les urines chez un patient qui est incontinent, chez un patient qui est en rétention aiguë d'urine. Et donc, le tout sur un terrain fragilisé explique qu'aujourd'hui, on fait face à, en fait, presque de plus en plus d'infections nosocomiales liées à ces Escherichia coli, à ces bactéries digestives, alors même que celles qui sont liées au staphylocoque diminuent, et total, on arrive à une stabilisation si on regarde le nombre total. Didier Le Pelletier à ce propos. Oui, l'antibioprophylaxis, effectivement, a fait énormément de progrès. D'autres progrès, mais c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'à partir des années 40-50, avec la découverte de la pénicilline et le traitement d'infections à staphylocoque en particulier dont on vient de parler, actuellement, 95% des staphylocoques hospitaliers sont résistants à la pénicilline, donc c'est une arme qu'on ne peut plus utiliser. Il y a aussi des facteurs architecturaux, puisque le premier traité sur l'hygiène au bloc opératoire et la prévention, c'est 1905. Mais en fait, on a oublié ces règles d'hygiène avec l'efficacité finalement de la vaccination et des antibiotiques. Mais dans le même temps, les bactéries sont devenues d'abord monorésistantes, puis multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques à la fois, donc entraînant des impasses thérapeutiques ou des difficultés quand un prescripteur lit l'antibiogramme, c'est-à-dire la carte de résistance d'une bactérie envers les antibiotiques qui sont disponibles. On a aussi modifié l'architecture puisque il y avait dans les avant-guerre des hôpitaux qui étaient pavillonnaires, et notamment dans les services de maladies infectieuses. Je crois que la Riboisière en a encore un exemple sur la paix de Paris. Les sanatoriums, hein, il y avait à peu près 160 sanatoriums, c'est-à-dire l'endroit où on mettait les tuberculeux, qui est une maladie contagieuse par voie aérienne. Il n'y a plus à l'heure actuelle de nos jours de sanatorium. Donc on a fait à partir des années 60 des hôpitaux en croix, hein. Le CHU de Nantes en est un exemple typique, hein, en centre-ville, une croix où on, avec des immeubles de haute hauteur. Et effectivement, dans le même temps où on a vacciné, où on a utilisé l'antibiothérapie avec beaucoup de succès, l'antibioprophylaxie un petit peu plus tard pour prévenir les infections du site opératoire, on a aussi concentré des patients avec moins de possibilités géographiques et architecturales d'isolement. Et on a abouti finalement à un retour sur l'hygiène, la manière finalement de prodiguer des soins pour le sécuriser, et dans le même temps de mieux utiliser les antibiotiques. C'est pas de dire qu'il ne faut plus les utiliser, mais c'est de mieux les utiliser pour éviter ce qu'on appelle ce dommage collatéral. C'est qu'à chaque fois qu'on prend un antibiotique pour une infection ORL en ville, par exemple, et je rappelle que la prescription des antibiotiques, c'est 93% la ville. L'hôpital, c'est que 7%. Et ben, en fait, ces antibiotiques-là vont diffuser, s'éliminer par voie digestive, où dorment des milliards de bactéries qui nous sont commensales, c'est-à-dire qui nous sont bénéfiques à l'équilibre de notre microbiote, qui nous protège et d'ailleurs qui participe à la régulation de l'état immunitaire et inflammatoire de l'organisme. Et dès lors qu'on reçoit un antibiotique, il va s'éliminer et il va modifier de manière invisible notre microbiote. Et ça, le tube digestif des patients qui ont été mis sous antibiotiques pendant un certain temps va représenter un réservoir de bactéries potentiellement résistantes, en tous les cas des bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques que le patient a reçus. Et donc le danger, c'est lorsque vous mettez ces patients-là dans des secteurs avec des patients à risque qui sont techniqués, c'est ce qu'on appelle... Techniqués, c'est-à-dire sur qui on a posé des voies d'entrée, enfin voilà, c'est pour... Oui, qui vont être fragiles, qui vont être plus sensibles finalement à l'infection, parce qu'ils restent plus d'une semaine à l'hôpital, ils peuvent avoir des traitements immunosuppresseurs, etc. Et donc, si ces patients-là s'infectent alors qu'ils ont un mois, deux mois avant reçu une antibiothérapie, la probabilité qu'ils s'infectent avec une bactérie qui a été ce qu'on appelle sélectionnée dans le tube digestif ou révélée, parce qu'il y a dans le tube digestif des bactéries qui sont naturellement résistantes. Je pense par exemple à Pseudomonas aeruginosa. On va y revenir. En prenant des antibiotiques qui vont vont éliminer votre flore dominante qui vous protège. On dit souvent paix aux bactéries de bonne volonté. Laisse apparaître en fait des bactéries dans votre tube digestif qui, par voie sanguine, vont ensuite provoquer des infections à partir de dispositifs invasifs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons d'infections nosocomiales tout au long de cette heure en compagnie d'Anne-Claude Crémieux et de Didier Lepelletier qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Nantes. Alors on a expliqué ce que c'était que cette maladie nosocomiale, une maladie hospitalière étymologiquement. On a évoqué, vous le disiez, hein, Anne-Claude Crémieux, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ce sont les trois bactéries principales qui sont impliquées dans ces maladies nosocomiales. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que ces bactéries-là, Escherichia coli, Staphylococcus, on en a tous. Ce sont des bactéries extrêmement courantes. Pourquoi est-ce qu'elles conduisent à ces infections et à ces maladies ? Bien, les infections nosocomiales, elles surviennent essentiellement à partir des bactéries que nous portons. Nous portons des bactéries sur la peau, les staphylocoques. On porte des bactéries au niveau de notre tube digestif, les Escherichia coli. Et on porte des bactéries, évidemment, au niveau de la gorge et effectivement dans l'ensemble de ce qu'on appelle notre microbiote. Lorsque on est à l'hôpital et qu'on a besoin de soins, on va avoir ce qu'on appelle, nous, il va y avoir des gestes invasifs. C'est la pose d'une perfusion, donc une brèche dans la barrière cutanée qui va évidemment, le risque, entraîner une bactérie qui va traverser la peau et entraîner une infection. Même problème si on vous pose une sonde urinaire. Une bactérie qui était là, que vous portiez dans votre tube digestif, peut passer dans le système urinaire. Donc c'est bien l'association entre les bactéries que nous portons, mais qui avec qui on coexiste de façon pacifique, et un geste invasif nécessaire pour vos soins qui vont entraîner une infection nosocomiale. C'est aussi, j'imagine, dans une certaine mesure, un état de fragilité immunitaire. Tout à fait. On le voit, les personnes qui font une infection nosocomiale sont, dans la moitié des cas, plus âgées, c'est-à-dire supérieures à 60 ans, 20% supérieures à 80 ans. 1 sur 10 d'entre elles sont immunodéprimées, pas mal. Ont des pathologies lourdes de type cancer, greffe. Ce sont ces personnes-là qui sont le plus à risque. Alors, il ne faudrait pas penser non plus qu'une infection nosocomiale ne touche que ces personnes âgées, fragiles, immunodéprimées. On peut malheureusement être contracté une infection nosocomiale à la suite d'une intervention chirurgicale, par exemple en orthopédie, alors même qu'on est en bonne santé. Didier Lepelletier, un mot peut-être aussi pour, une personne sur 20 contracte une infection nosocomiale à l'hôpital, mais c'est là aussi avec une grande disparité en fonction des services. Les services où il y a le plus de risques de contracter ce type d'infection sont les services de réanimation. Absolument. Pour que les auditeurs comprennent bien, la manière d'avoir des données, ce qu'on appelle épidémiologiques, d'avoir des tendances sur le territoire national, sur les infections qu'on appelle maintenant associées aux soins. La définition a changé en mai 2007 entre infections nosocomiales, qui avait plutôt un côté juridique à cette époque-là, puisqu'on disait c'est l'hôpital et c'est une faute de soins. Or, c'est pas forcément une faute, c'est un risque. C'est-à-dire, dès lors qu'on a besoin d'assister des patients sur le plan respiratoire, en réanimation ou avec des cathétérismes, on a un risque, même si les équipes travaillent bien sur le côté de la sécurité infectieuse. Donc on réalise ce qu'on appelle des enquêtes de prévalence, c'est-à-dire que les établissements publics, privés, militaires sont invités un jour donné, c'est tous les 5 ans en France, donc je vous ai dit que la première c'était 96, la dernière c'était 2017, à mesurer, en général c'est au mois de juin, et on peut choisir le jour de l'enquête en fonction de la taille de l'établissement sur une journée, et on mesure sur les patients présents dans leur lit le nombre de patients présents dans le lit. Donc par exemple à Nantes, c'est environ 2000 à 2500 patients un jour donné, et on mesure les patients qui développent une infection associée aux soins, qu'elle soit urinaire, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit du site opératoire si le patient était un patient chirurgical, ou si elles sont associées à un cathétérisme. Mais avec ces données tous les 5 ans, on arrive finalement à mesurer un taux, ce qu'on appelle un taux de prévalence, et c'est de là que le 5% est tiré et diffusé, c'est le chiffre qu'il faut retenir, mais finalement 5% c'est un petit peu grossier, puisque il y a d'énormes différences entre des hôpitaux comme le CHU de Nantes avec 3000 lits qui prodiguent l'ensemble des soins, avec les grands brûlés de la néonate, avec la prise en charge d'enfants extrêmes prématurés, et un centre hospitalier qui n'aurait pas ces plateaux techniques. Donc il y a des variations, si vous voulez, entre types d'établissements. Tout simplement, c'est les soins qui sont proposés à la population. Donc ça varie au sein des établissements. Si vous prenez par exemple un centre de lutte contre le cancer, bien évidemment, les taux seront plus élevés que dans les autres hôpitaux. Si vous prenez un hôpital spécialisé psychiatrique, les infections seront très faibles, moins de 1%, et seront en plus de nature différente que dans ce qu'on appelle du MCO, c'est-à-dire de la médecine chirurgie obstétrique. Donc effectivement, ces enquêtes répétées finissent par donner une tendance sur une vingtaine d'années. Et comme vous l'avez dit, on arrive peut-être à un matelas de 4-5% qui sera beaucoup plus difficile d'éviter, parce que ça va être lié à plein d'autres facteurs que les propres facteurs liés aux soins. Ça peut être des facteurs liés au patient lui-même. Anne-Claude Crémieux, comment se font justement... Alors on l'a entendu, on imagine que maintenant qu'on voit un peu ce périmètre, que dès qu'évidemment il y a pose d'un cathéter, dès qu'il y a une action invasive, bien les risques augmentent. Mais comment se font-elles ces infections? Est-ce qu'elles sont produites par les propres bactéries de la personne sur qui on fait ces actions invasives? Est-ce qu'elles viennent de l'extérieur, du personnel soignant? J'imagine qu'il y a toute une fenêtre là qu'on peut un peu examiner. La plupart des infections nosocomiales sont liées aux bactéries que le patient porte. Donc endogènes. Qui pénètrent, absolument. Et qui pénètrent à l'occasion de ces gestes invasifs. C'est l'immense majorité. Après, évidemment, on peut contracter une infection à l'hôpital qui est une infection transmise par le personnel soignant. Je pense par exemple, puisque c'est bientôt l'époque, aux grippes nosocomiales. Si le personnel soignant a la grippe, il peut la transmettre à son patient, et c'est pourquoi nous insistons énormément sur l'importance primordiale de la vaccination antigrippale du personnel soignant. On a parlé des bactéries classiques, c'est-à-dire Escherichia coli, Staphylococcus, etc. Néanmoins, il y a aussi des infections nosocomiales avec des bactéries qui sont plus complexes, plus rares, mais plus préoccupantes pour la santé des patients. Alors, il peut y avoir... En fait, la préoccupation, la grande préoccupation des infections nosocomiales, c'est la résistance aux antibiotiques. Les infections nosocomiales sont dues à des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, qui sont multirésistantes aux antibiotiques et parfois même résistantes à l'ensemble des antibiotiques que nous avons à notre disposition. Situation. Alors pourquoi? Parce que, comme vous le savez, quel est le moteur de la résistance aux antibiotiques? C'est la consommation d'antibiotiques. Plus on consomme d'antibiotiques, plus on va sélectionner dans sa propre flore des bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques, et parce que tout simplement, on va tuer les bactéries sensibles, laisser persister ces fameuses bactéries résistantes qui auront la place et qui vont se multiplier. Bien. Donc, il y a un lien très fort entre la consommation d'antibiotiques et la résistance. Or, à l'hôpital, dans un service d'aigu, 25%, un quart des patients sont sous antibiotiques. Ils sont là pour se faire soigner. Dans les réanimations, c'est 50% des patients qui sont sous antibiotiques. Ça vous explique que la flore des patients hospitalisés, c'est beaucoup plus que des patients non hospitalisés, des bactéries résistantes. Didier Le Pelletier à ce propos. Oui, moi je voulais simplement revenir un peu sur le panel des types d'infections associées aux soins qu'on rencontre. La plus fréquente, on va dire, c'est l'infection urinaire sur sonde, hein, les patients qui ont besoin d'une vidange vésicale, parce qu'ils ont soit une vésicule urologique, soit ils sont en post-opératoire. Et effectivement, le fait de monter une sonde urinaire avec un sac collecteur va provoquer deux choses. D'une part, un risque à distance de la pose, puisque bien évidemment la pose d'une sonde urinaire est faite de façon aseptique, le fait que la propre flore du patient, qu'elle soit digestive, et on comprend bien que l'anus est par proximité assez proche finalement de du méa urinaire chez l'homme et chez la femme, encore plus proche chez la femme, et qu'il y a un risque finalement que des bactéries, soit du tube digestif, soit de la flore périnéale, de la flore cutanée, soit de la flore vaginale chez la femme, puissent, le long de la sonde urinaire, monter et grimper jusqu'à la vessie. Le deuxième mécanisme, alors là j'entre un petit peu dans des considérations plus complexes de physiopathologie d'infection, c'est lorsque l'on veut vider le sac collecteur, alors soit on peut utiliser un robinet qui permet de vider la poche, le sac collecteur, soit effectivement on peut tenter d'enlever le sac collecteur et de déconnecter la sonde du sac collecteur. Et donc là, effectivement, le système n'est plus clos. Ça veut dire qu'il y a une rupture dans la continuité entre la sonde et le sac collecteur. Ce qui fait que si on manipule dans des conditions non aseptiques, en particulier pas d'hygiène des mains, il y a un risque que la sonde urinaire qui est restée en place soit ouverte finalement et qu'on ait non pas une colonisation extra-luminale autour de la sonde, mais à l'intérieur de la sonde. Et donc on voit très bien le type de pathologie. On aurait plutôt des infections à staphylocoque qui viendraient éventuellement de la flore cutanée du soignant ou du patient à l'intérieur, et on aurait plutôt une contamination par des entérobactéries qui viennent du tube digestif lors de ces contaminations extra-luminales. Donc on voit bien que ces infections-là sont pas forcément graves en termes de ce qu'on appelle de morbidité ou de mortalité, même s'il peut y avoir de temps en temps des cas graves, et que la simple surveillance de la sonde, le retrait de la sonde dès qu'elle n'est plus nécessaire, suffit en fait comme moyen de prévention à diminuer finalement ces infections urinaires qui représentent plus de 30%. Derrière, un peu plus loin, on a les infections respiratoires chez les patients intubés en réanimation, et on a aussi également les infections du site opératoire. Donc on voit bien que finalement, on a encore peut-être un matelas d'évitabilité sur ces infections urinaires sur sonde par une meilleure utilisation et surveillance des sondes urinaires. Anne-Claude Crémieux. Une des caractéristiques aussi des bactéries qui infectent les patients qui sont très fragiles, très immunodéprimés, c'est que ça peut être des bactéries qui, pour une personne saine qui n'a pas de problème de santé, ne sont pas dangereuses, mais deviennent dangereuses sur un terrain fragilisé. Par exemple, le pseudomonas dont on parle, dont vous avez parlé, qui est une bactérie qu'on voit notamment chez les patients de réanimation, c'est une bactérie qui, ce qu'on appelle, est très peu virulente. Mais sur un hôte, sur un patient très fragile, qui porte par exemple, qu'on ventile avec à l'aide d'une sonde d'intubation, eh bien cette bactérie, qui est une bactérie de l'environnement, va créer une pneumonie. Alors que chez un sujet sain, qui n'a pas de ventilation, eh bien, on ne voit jamais une pneumonie à pseudomonas. Parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée, en fait. Il n'y a pas de porte d'entrée, et encore une fois, les bactéries peu virulentes, eh bien, ce sont des bactéries qui s'installent chez des patients fragiles, immunodéprimés. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que les bactéries les plus résistantes aujourd'hui sont en fait des bactéries peu virulentes. Et c'est pour ça aussi qu'on les voit sur les patients hospitalisés, fragilisés. Ce sont des bactéries qui vont profiter de la fragilité des patients pour créer une infection, alors même que chez un sujet sain, elle n'entraînerait pas d'infection. Et je reviens à ce que je vous disais, c'est-à-dire l'augmentation de la résistance, au fond la stagnation des infections nosocomiales, eh bien, c'est certes tout ça lié pour l'augmentation des résistances à notre consommation d'antibiotiques, mais c'est aussi lié au fait qu'on hospitalise des patients de plus en plus âgés et de plus en plus fragiles. I did. I always do. I may soon be gone to pluck on a heart like those colored pencil portraits of dogs we saw on a blue tar. But I spotted I went to the hospital de Cass Macomb sur France Culture à 16h35. C'est ce dont nous parlons, de l'hôpital et de ces maladies qui se développent au sein de l'hôpital, des maladies nosocomiales. Nous en parlons avec Anne-Claude Crémieux, qui est professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, spécialiste de l'antibiorésistance, et avec Didier Lepelletier, qui est avec nous en duplex depuis Nantes et qui est chef du service de bactériologie hygiène hospitalière du CHU de Nantes et vice-président de la commission spécialisée système de santé et sécurité des patients au ministère de la Santé. Alors, comment les hôpitaux procèdent-ils pour lutter contre ces maladies nosocomiales? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la clinique du Parc à Lyon qui a mis le paquet justement, bien sûr, l'hygiène dans les procédures de soins. Oui, la clinique du Parc à Lyon présente la meilleure certification en termes d'hygiène. Cela s'explique pour deux raisons principalement. D'une part, l'architecture du bâti qui est conçue pour soigner à l'origine l'orthopédie, qui est une spécialité exigeant le plus haut niveau de sécurité sanitaire. Et d'autre part, les procédures coordonnées entre médecins, chirurgiens, infirmières et tout le personnel de santé pour réduire au maximum le risque d'infection. Le directeur de la clinique, Franck Zanibalato, m'a ouvert les portes du bloc opératoire en compagnie de Daniel Boublil, chirurgien orthopédiste, et de Laetitia Fondubarry, infirmière hygiéniste. L'établissement, à la base, ne fait que de l'orthopédie. On a une grosse moitié de chirurgie orthopédique dans l'établissement, mais on a maintenant beaucoup d'ophtalmologie, beaucoup de chirurgie digestive sur la partie obésitaire. On a aussi de l'esthétique, et après toute une kyrielle d'urologie, gynéco. Par contre, dans l'esprit, on a construit le bâtiment sur une philosophie d'orthopédie, c'est-à-dire qu'on a des salles de bloc qui sont toutes classées ISO 5, qui est le niveau maximal en termes de traitement d'air et de lutte contre les bactéries qui pourraient être dans les salles. Et même si on opère à un patient d'une autre chirurgie, en fait, il va bénéficier de ça, en fait. Même les autres spécialités, les chirurgiens qui sont spécialistes, par exemple, de l'appareil digestif, vont privilégier chez nous, quand ils interviennent chez nous, plutôt des interventions où ils veulent un risque infectieux le plus faible possible. Moi, je travaille en collaboration avec le médecin hygiéniste. Je travaille également avec des infirmières dans les services qui sont des correspondants en hygiène. Et puis, autour de cela, on a des dizaines et des dizaines de procédures qui encadrent cette prévention du risque infectieux. Actuellement, on a un taux de 0,33 d'incidence de nos infections, donc c'est-à-dire le nombre d'infections sur le nombre d'interventions, et que la moyenne nationale est entre 0,4 et 0,6. Donc on se dirige vers le bloc opératoire et on va vous montrer un petit peu les procédures pour pénétrer dans le bloc et puis vous faire visiter quelques salles opératoires. Vous avez ici une double entrée, une entrée sur la droite où il y a les vestiaires et une entrée sur la gauche où arrivent les brancards et un sas où on laisse donc tout ce qui a été dans les chambres à l'extérieur pour pénétrer au sein de l'enceinte du bloc où là il y a une surveillance plus renforcée sur tout ce qui est infection et d'autres risques. Vous voyez sortir l'équipe soignante du matin, voilà, qui s'est changée. Donc passage obligatoire au vestiaire. Eh oui, pour changer de tenue, parce qu'on quitte nos vêtements de ville pour pouvoir mettre des vêtements qui sont alors à usage unique, voilà, pour éviter de contaminer l'environnement du bloc opératoire, en effet. Il y a des douches aussi préopératoires. Alors, douches préopératoires pour les patients, effectivement. Et puis, avant le geste opératoire, on va imprégner le membre à opérer d'un antiseptique. Voilà. Dans la salle, on est en surpression, c'est-à-dire que quand on ouvre la porte de la salle, l'air est expulsé pour éviter que l'air rentre dans la salle, un air potentiellement contaminé rentre dans la salle. Donc ça, c'est pour ça qu'on porte un masque aussi. Donc on porte un masque pour préserver le patient, évidemment, des postillons qu'on peut avoir, mais aussi pour préserver ce traitement d'air. Donc là, on rentre dans la partie bloc opératoire, qui est donc la partie où on doit être en tenue tout le monde. Alors, on est sur un bloc opératoire qui fait 14 salles. Donc là, on peut apercevoir à travers la vitre une opération en train de se faire. Voilà, alors là, c'est une réparation du ligament croisé antérieur. Vous voyez toute l'équipe soignante, donc qui est couverte de tissus stériles jetables. Donc là, vous voyez, le chirurgien est en face de nous. Il est en train de préparer une chirurgie sous arthroscopie. Donc ça, c'est aussi une méthode pour limiter le risque infectieux. C'est en fait de limiter l'agressivité de la chirurgie, donc de faire une chirurgie la moins invasive possible. Et dans le cadre du département de chirurgie du pied, on fait nous aussi ce genre de choses avec, par exemple, des opérations qui sont maintenant sans ouverture ou quasiment. Là, l'implant que va poser le docteur dans le genou est une autogreffe, donc c'est quelque chose qui va se défendre contre les infections. C'est bien mieux que quelque chose d'artificiel qui pourrait se contaminer. Donc en ce moment, c'est une étape critique de l'acte chirurgical ou... De l'incision à la fermeture, c'est un acte critique et on fait attention à tous les instants. Dès lors que même quand l'infirmière va distribuer le matériel que vous voyez sur la table, qui est un matériel stérile, s'il y a le moindre doute sur la stérilité du matériel, on ne l'utilise pas. C'est vraiment toutes les étapes qui doivent être cadrées de manière indispensable pour ne pas avoir d'infection, pour limiter en tous les cas le risque d'infection. Une chose aussi qui est importante, c'est la qualité du geste opératoire. Ça permet aussi d'avoir des gens qui restent le moins longtemps possible dans l'établissement et donc qui sont le moins en contact les uns avec les autres et donc qui risquent le moins possible d'échanger des bactéries. On va vous faire avancer un peu le long du bloc. Là, c'est un sas intermédiaire entre les deux salles d'intervention. Donc là, le traitement de l'air est le même que dans le couloir. Là, les patients arrivent, reçoivent quelques soins avant d'être opérés dans les salles que vous voyez ici. Ce sont des salles qui ont une pression de l'air à l'intérieur qui est positive pour pouvoir chasser les micro-organismes vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que les portes restent fermées. Et là, vous voyez, vous ouvrez sans contact. Toutes les portes du bloc opératoire se font sans contact pour pas que les gens touchent les poignets. Et... minimise à chaque voilà. fois le risque. Très bien que le risque infectieux, il se transmet par les mains et via tous les objets de l'environnement de contact, qu'on a touchés avec nos mains, effectivement. C'est pour ça que c'est toujours le même leitmotiv dès qu'on parle des infections associées aux soins, c'est l'hygiène des mains. Parce que c'est vraiment la base. Et là, on a une cascade en fait, de pression, donc c'est-à-dire que la plus grande pression est dans la salle. Le sas est en surpression par rapport au couloir et en dépression par rapport à la salle. Rien ne peut rentrer en fait, tout va toujours être poussé vers l'extérieur. C'est le plus haut degré justement de traitement d'air et de qualité de surpression. Moi je pense que en tant qu'acteur de soins et interface face aux malades, la lutte contre les infections liées aux soins c'est quelque chose qui ne doit pas être une lutte en fait, qui ne doit pas être une souffrance. Pour le personnel soignant, ça doit faire s'intégrer complètement dans la culture des gens. Ça ne marche pas par la coercition, ça marche par le fait que quand l'équipe est entièrement persuadée du bien fondé de sa démarche, tout le monde se mobilise. Ça fait partie de la culture de tous les chirurgiens. Voilà ce reportage à la clinique du Parc à Lyon. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Anne-Claude Crémieux. Oui, c'est très intéressant de voir qu'effectivement cette clinique s'est montée autour de l'activité de chirurgie orthopédique. Alors pourquoi les orthopédistes craignent énormément les infections? Parce que ça fait partie pour nous infectiologues des infections les plus difficiles à traiter. Les infections post-opératoires en chirurgie orthopédique sont extrêmement difficiles à traiter. Pourquoi ça? Parce que ce sont des infections qui se développent au niveau de l'os, avec souvent la présence d'une prothèse ou en tout cas d'un matériel orthopédique qui est là pour fixer la fracture. Et c'est ce que nous appelons des infections à biofilm, c'est-à-dire que ce sont des infections avec des bactéries qui développent un système de persistance dans le foyer infectieux qui les rend inaccessible ou très peu accessible aux antibiotiques et aux défenses immunitaires de l'hôte. Donc des infections qui doivent systématiquement faire l'objet d'un traitement à la fois chirurgical et médical, parfois de deux nouvelles interventions chirurgicales pour traiter ces infections, et on comprend que les patients, effectivement, qu'il y a un retentissement extrêmement important sur les patients en termes, je dirais, de même psychologiques, parce que ce sont des infections très difficiles et longues à traiter. Didier Le Pelletier sur ce reportage. Oui, c'est un exemple assez caractéristique de l'infection qui survient dans une zone qui est stérile au départ. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6-7 millions d'interventions chirurgicales par an en France, et on classe les interventions chirurgicales en fonction du risque d'infection du site opératoire. Par exemple, la classe, c'est une classification qu'on appelle la classification d'Altmaier, qui va de 1 à 4. La chirurgie de classe 1 serait la chirurgie orthopédique ou la chirurgie cardiaque, et la chirurgie de classe 4 irait par exemple sur la chirurgie digestive alors que le patient développe une péritonite. Et donc on imagine bien la crainte des chirurgiens orthopédistes de ces infections qui peuvent survenir à distance et qu'on révèle souvent par un décèlement de prothèse et une douleur. Et on s'aperçoit finalement qu'à distance, un mois, deux mois, pour les plus précoces, mais parfois jusqu'à six mois, voire un an, des bactéries se sont organisées avec une espèce de gang qui leur permettent finalement de se multiplier. Dans la vie d'un biofilm qui est une adhésion à une surface, et ben ce biofilm va finalement se rompre et libérer des bactéries qui vont être le site de l'infection. Et on comprend bien à travers le reportage que l'on a écouté, les stratégies de prévention de ces infections chez l'opéré sont réparties en trois temps, mais qui sont des temps chronologiques. On a le temps préopératoire, on va préparer la peau du patient par le traitement des pilosités au niveau du site opératoire, par la douche préopératoire. On va aussi rechercher un foyer infectieux à distance, notamment un foyer infectieux dentaire, d'autant plus si l'on pose un implant ou une prothèse. On a une phase opératoire pendant que le patient est au bloc opératoire. On a évoqué toutes les qualités physiques d'une salle d'intervention, les plafonds soufflants qui permettent d'avoir une classification normée en termes de nombre de particules par mètre cube qu'il est acceptable en fonction de la cible que l'on souhaite. S'il y a bien évidemment l'antimoprophylaxie, très important de choisir la molécule, de choisir la dose, de perfuser l'antibiotique à distance de l'incision pour qu'il ait le temps finalement, parce qu'on parle de demi-vie pour un antibiotique, et de ne pas finalement perfuser l'antibiotique soit trop tôt, soit trop tard en fonction de la durée de l'intervention. Il y a tout exactement le contrôle de la glycémie qui peut provoquer aussi des infections, l'oxygène thérapie des patients, la température corporelle. Donc on voit dans les recommandations anglo-saxonnes ou françaises, il y a environ une soixantaine de mesures. Il y a aussi des mesures en post-opératoire qui sont des mesures de surveillance de la qualité du pansement, de la cicatrice, les drains qui en fonction de drainage préopératoire. Et on voit bien qu'il faut respecter en fait l'ensemble de ces mesures comme un système qualité finalement pour aboutir à un taux d'infection qu'on estime en France à peu près de 1%, mais qui va varier parce qu'on comprend bien qu'en chirurgie digestive on va être plutôt à 10%, et en chirurgie propre comme la chirurgie orthopédique moins de 1%. Et l'HAS ne s'y est pas trompé, puisque dès 2010, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a produit un document qu'on appelle une checklist, un peu comme on peut l'imaginer pour un pilote d'avion qui va décoller et qui va vérifier tout un tas de paramètres. Et on a effectivement des checklists pour la prévention des infections du site opératoire qu'il faudrait vérifier, qu'il faut remplir avant ou pendant l'intervention pour garantir au maximum, sans qu'on soit forcément à 100% de réduction des infections, mais qu'on soit au maximum finalement de la sécurité pendant les interventions. Quel est aujourd'hui, Anne-Claude Crémieux, on va parler de la recherche évidemment, mais j'aimerais tout de même dire un mot aujourd'hui de l'arsenal dont dispose l'établissement de santé précisément pour réduire, pour lutter encore. Alors on a parlé de l'apparition du gel hydroalcoolique dans les années 2000 qui a vraiment fait chuter les infections au staphylocoque, mais aujourd'hui, quelles sont les mesures dont disposent concrètement ces établissements de santé pour éviter, pour faire reculer, pour travailler encore sur le recul de ces maladies nosocomiales? Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans le domaine des infections nosocomiales, que ça soit en termes d'organisation, et donc ça a été déjà dit, c'est-à-dire que il y a des équipes opérationnelles d'hygiène avec des infirmières spécialisées dans l'hygiène, avec un médecin spécialisé dans l'hygiène. Il y a des protocoles qui ont été mis pareil en place dans les années 2000-2010. Comment effectivement nettoyer la peau avant une intervention chirurgicale, avant un geste invasif, comment poser une sonde, comment poser une perfusion. Tout ça, c'est vrai, a contribué à limiter les infections nosocomiales. Alors, on arrive effectivement un petit peu à un plateau. Et je pense que l'exemple de l'orthopédie est un bon exemple. Malgré tous les efforts qui ont été faits, et j'imagine dans cette clinique aussi, on arrive à un taux incompressible de 1% des prothèses qui sont mises en place dans une articulation qui vont s'infecter. Et là... malgré l'antibioprophylaxie, malgré les soins. Donc il va nous falloir imaginer autre chose. Autre chose, c'est par exemple des prothèses qui seraient moins sensibles aux bactéries, c'est-à-dire qui auraient un espèce de revêtement anti-adhésif pour pas que les bactéries se collent aux prothèses et qu'elles ne développent pas d'infection. Donc il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Imaginez autre chose, c'est aussi, par exemple, pour les infections sur prothèse, c'est essentiellement les infections à staphylocoque, il y a eu une recherche très intensive pour essayer de trouver un vaccin anti-staphylococcique. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc on voit que parfois les efforts ne débouchent pas sur un résultat. Qu'est-ce qu'on fait également quand d'un seul coup on a une éruption d'infection à bactéries résistantes ou multirésistantes aujourd'hui? Quelles sont les solutions dont on dispose pour traiter ces infections-là? Alors, il y a premièrement des dispositions pour éviter que ces bactéries très résistantes, qu'on appelle hautement résistantes, diffusent, se transmettent d'un patient à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a des protocoles, là encore extrêmement stricts, d'isolement des patients, non seulement dans des chambres seules, mais avec, on peut le voir dans les hôpitaux, le personnel lorsqu'il rentre dans la chambre, s'habille plus ou moins donc avec un matériel qui est vraiment dédié. Et donc, si vous voulez, premier objectif, éviter que ces bactéries diffusent d'un patient à l'autre. Deuxième objectif, traiter l'infection si elle survient. Et là, c'est là aussi un des vrais problèmes aujourd'hui des infections nosocomiales et des bactéries résistantes. On a malheureusement, on est un petit peu à court de nouveaux antibiotiques. Quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Nous manquons de nouveaux antibiotiques actifs sur ces bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques déjà disponibles. Didier Le Pelletier. Alors, tout d'abord sur un point, sur une précision sur les infections liées aux dispositifs invasifs. On a parlé des prothèses. On peut parler également de la qualité du matériau des sondes urinaires, par exemple, où on a essayé finalement de partir de sondes dont la colonisation est inévitable au bout de 3 jours, à des sondes, par exemple, imprégnées ou en silicone, qui permettent finalement de retarder la colonisation par des bactéries de la flore du patient et qui permettent finalement d'avoir des durées de sondage un petit peu plus longue jusqu'au moment où on va retirer la sonde. Pour les cathéters vasculaires aussi, lorsque toutes les procédures ne conduisent pas à baisser à un niveau suffisant les infections liées au cathéter, on peut imaginer utiliser des connectiques, c'est-à-dire des prolongateurs qui vont éloigner finalement la ligne de perfusion ou la rampe, les robinets où on branche les perfusions. On va les éloigner par des prolongateurs du site d'insertion du cathéter au niveau de la peau, qui constitue finalement la zone d'introduction production des bactéries. Donc on peut utiliser des valves à pression pour maintenir ce système clos. On peut même utiliser des cathéters imprégnés d'argent, l'argent a une qualité bactéricide. Donc on voit bien que sur les dispositifs, l'industrie va nous aider. Pour les infections du site opératoire, en plus de matériaux de prothèses, on s'est aperçu aussi que si tout le monde est porteur de staphylocoque blanc, staphylocoque épidermidis en particulier, c'est notre propre flore, seuls 25% de la population sont porteurs de staphylocoque doré, et en particulier au niveau nasal, comme si le portage nasal était le centre, le quartier, le QG du portage. Le fait de dépister et de décoloniser les patients porteurs de staphylocoque doré au niveau nasal permet de réduire de manière drastique les infections du site opératoire causées par staphylocoque doré. Donc on voit bien qu'on a tout un arsenal de mesures qui permettent de réduire les taux d'infection très faibles, mais une infection c'est toujours trop pour un patient qui a bénéficié d'intervention, ou pour une famille ou pour une équipe chirurgicale. Après, pour lutter contre la multirésistance, en dehors des armes thérapeutiques qu'on connaît, les antibiotiques, il y a d'autres armes qu'on peut utiliser, et notamment ce qu'on appelle la transplantation fécale, qui permet finalement par voie endoscopique, alors soit par voie basse, par coloscopie, soit par voie haute, finalement de transplanter du microbiote d'un donneur dans lequel on a vérifié finalement l'absence de portage d'autres microbes comme les virus, des parasites ou des bactéries, et finalement cette transplantation d'une petite quantité de sel donc dans une seringue, hein, on voit pas, c'est froid, donc il y a pas d'odeur, permet de manière assez spectaculaire de traiter ce qu'on appelle des colites à Clostridium difficile. Clostridium difficile qui est une bactérie qui émerge souvent justement et qui donne des diarrhées en suite de traitement antibiotique. Et effectivement, ce résultat spectaculaire qui est très encadré par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, on a envie de l'utiliser pour d'autres pathologies. En particulier, il y a des papiers qui montrent que pour le portage digestif de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, où effectivement on est devant une espèce de tautorésistance et avec peu d'armes antibiotiques, où on a de la restauration du microbiote. Donc là, effectivement, c'est pour un cas très très très particulier sur effectivement ce que vous évoquiez, hein, d'une infection à Clostridium difficile. J'aimerais juste un tout dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, pour conclure, Pierre-Claude Crémieux, qu'est-ce qu'il faut comprendre ou penser de ce rapport de la Cour des comptes qui demandait d'améliorer au mois de février la prévention sur ces infections nosocomiales? Ça veut dire que les patients aujourd'hui ne sont pas suffisamment informés? En quelques mots, il nous reste quelques secondes, vraiment. Oui, améliorer la prévention, ils ont raison, il faut qu'on continue, 5% c'est trop. Ce rapport de la Cour des comptes, et ils ont raison, insistait aussi sur le fait, attention, il n'y a pas que l'hôpital, il y a tout ce qui est les soins pour ces fameux patients fragiles et qui aujourd'hui reçoivent de plus en plus de soins en dehors de l'hôpital. Et là, on connaît pas, ça reste beaucoup moins bien suivi. Là, il y a un énorme effort à faire, d'autant plus difficile qu'évidemment, c'est plus facile de faire de l'hygiène dans les hôpitaux que en dehors de l'hôpital. J'aimerais quand même terminer sur un petit message. Lutter contre l'antibiorésistance, c'est diminuer la consommation d'antibiotiques. Et aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés dans les hôpitaux pour essayer de réduire, juste à ce qui est nécessaire, notre consommation d'antibiotiques. Et le message est passé. Merci beaucoup, Anne-Claude Crémieux. Je renvoie à nos auditeurs à l'émission que nous avons postée sur le fil Twitter, que nous avions déjà consacrée à l'antibiorésistance. Merci également à Didier Depelletier et à nos camarades de France Bleu Loire-Océan à Nantes pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Cédine Lozen, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbonne, Emina Binguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Guilain Meige aujourd'hui à la technique. Demain, si ma voix me le permet, nous allons dévoiler ce qui ne cesse de nous être caché. Nous allons passer du côté obscur de la Lune. Qu'y a-t-il sur cette fameuse face cachée de la Lune? Pourquoi la Chine s'y intéresse-t-elle de si près? Réponse demain, j'espère, à 16h, jusqu'à preuve du contraire.